avec des clameurs et des cris de joie. Honorons le Père, célébrons le Roi. De toute la terre, entendez la voix de ceux qui aiment Dieu et qui le proclament, et qui le proclament avec des clameurs et des cris de joie. Honorons le Père, célébrons le Roi, célébrons le Roi. Toute la terre entende la voix de ceux qui aiment Dieu et qui le proclament. Alléluia. Au Seigneur, s'élevions nos voix, tous d'un même cœur, tous unis par toi. Que de ton peuple, tu reçoives au roi l'honneur, la louange et les cris de joie, et les cris de joie. Que vers toi, Seigneur, que vers toi, Seigneur, s'élevions nos voix, tous d'un même cœur. Même que tous unis par toi, et que de ton peuple, et que de ton peuple, tu reçoives au roi l'honneur, la louange de ceux qui t'acclament. Avec toi, Seigneur, nous irons tout droit vers le Père, par l'Esprit la foi, peuple racheté, au prix de la croix, chante ton Sauveur, et pour lui proclame, et pour lui proclame. Avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous irons tout droit. Vers le Père, tout droit vers le Père, par l'Esprit la foi, peuple racheté, au prix de la croix, chante pour ton Sauveur, et pour lui proclame. Yeah.